Tu étais le même roi quand moi dans tes bras, et je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché, à part toi, caballero, personne ne m'a touché. La cocaïne, la cocaïne, la vie, ma femme. Je suis une clandestine, une clandestine. La cocaïne, la cocaïne, la vie, ma femme.